ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la septième dimension, l'émission qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin, votre serviteur, et je suis toujours avec Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah ça va toujours, surtout pour l'émission du jour. Alors, au programme d'aujourd'hui, le bush australien, une histoire d'amour entre un camion et des kangourous et un crocodile pas super sympa. Dans cet épisode, on s'attaque à la filmographie du réalisateur australien Greg MacLean. Alors Melvin, est-ce que tu peux nous parler rapidement qui est donc Greg MacLean ? Greg MacLean, donc un réalisateur australien qui se ressent dans ses films, on le verra tout à l'heure. Il y en a très peu d'infos sur lui, donc si vous cherchez son âge, vous ne le trouverez pas. Et en fait, on ne peut pas dire grand-chose sur lui, à part qu'on s'est fait toute sa filmographie et on est là pour en parler aujourd'hui. Du coup, Greg MacLean, scénariste, producteur, réalisateur, qui a commencé à percer au début des années 2000 avec son film Wolf Creek, premier du nom. Du coup, principalement connu pour l'univers qu'il a créé autour de Wolf Creek, Greg MacLean, c'est 6 films entre 2005 et 2017 et une série. Et du coup, je te propose qu'on attaque tout de suite. Allez. Alors du coup, on démarre avec son premier film en 2005 et c'est Wolf Creek. Que t'as fait une touche. Si tu lui fais du mal, je te tue. Il y a un problème ? J'en sais rien. Je crois qu'on est bon pour passer la nuit ici. Il y a un truc devant. On n'a qu'à lui demander de nous tracter jusqu'en ville. J'ai l'impression de rouler depuis des heures. Il a dit que c'était pas à côté, t'inquiète. Donc, Wolf Creek, pour ce qui est de l'histoire, on y suit l'histoire d'un groupe de trois personnages en randonnée dans le bush australien, donc deux filles et un garçon. Et alors qu'il s'arrête étudiant plutôt jeune, à peu près 20-25, alors qu'il s'arrête au parc national de Wolf Creek, ils réalisent que leur voiture ne repart pas et ils vont alors faire la connaissance de Mick Taylor, natif australien plutôt sympathique au premier abord, qui leur offre de réparer leur voiture et leur offre de l'eau. Mais cet inconnu va se révéler être en fait un dangereux psychopathe qui va leur faire vivre une véritable descente aux enfers. Du coup, Melvin, ton avis sur Wolf Creek, premier du nom ? Disons que un certain Corentin me l'a un peu survendu et j'étais un peu déçu. Le film est bien, l'histoire, bien qu'une histoire assez simpliste, ça passe très bien, mais je me suis ennuyé. Le début est très très long et ça passe pas pour moi. Ah non, mais comment tu peux t'être ennuyé devant ? Non, mais pour développer un peu, c'est que la première partie suit du coup les personnages. Mais attends, pour expliquer, le film est donc séparé en deux parties. Il y a une première partie, pas contemplative, mais beaucoup plus proche des personnages, qui dure à peu près 30-40 minutes. Donc je trouve pas super utile. Bah, ça permet justement de se rapprocher d'eux, ça permet d'apprendre à les connaître. Mais je me suis pas rapproché d'eux, c'est là mon problème. C'est qu'au final, pas tant que ça, quoi. Même du personnage féminin ? Même de l'héroïne, de la brune ? Ouais, mais c'est tout, quoi. Vite fait le gars, mais alors la deuxième fille, par exemple, pas du tout. Ouais, mais la deuxième fille sert plutôt de faire valoir, parce qu'elle permet justement aux deux tourtereaux, on va dire, de se rapprocher. Oui, c'est sûr, mais bon, une heure pour ça, je trouve ça un peu long, quoi. Ok, mais du coup, cette première partie mise à partir du moment où ça commence à s'énerver un petit peu, là, tout de suite, là, ça t'a quand même plus attiré. Oui, là, on prend vraiment, c'est là que je suis rentré dedans en fait. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir. Disons qu'avant, je regardais la première partie, j'étais bon, c'est bon, il se passe rien. Et là, ça m'a happé. Quand moi, le méchant se réveille, on va dire. En parlant du méchant, justement, quelque chose. Alors, j'avais déjà vu le film. Toi, tu l'as découvert pour l'occasion, c'est ça? Oui, j'ai découvert toute sa filmographie à part À part, ouais. Bah, c'est vrai que moi, du coup, je l'avais déjà vu à une époque où je cherchais des films australiens ou des films un peu déviants, on va dire. Et en fait, je savais rien du tout. Et du coup, lorsque la partie beaucoup plus horreur démarre à proprement parler, j'étais vraiment happé. Et justement, on parlait du méchant. Mick Taylor, qui est joué par John Jarrett, qu'on retrouvera dans d'autres films de MacLean, je trouve sa performance hallucinante. Genre, entre incroyable. À son rire, tu sais, l'espèce de petit rire, le qu'il fait parfois, le fait qu'on ne sache jamais ce qu'il pense, c'est-à-dire on ne sait jamais s'il va te prendre dans ses bras ou te poignarder. Et il représente parfaitement le local, le gars du coin de la cambrousse australienne. Bah, l'image qu'on peut se faire du redneck qu'on a vu déjà dans La Colline des Yeux ou des trucs comme ça. Voilà, mais il le fait super bien. Et je trouve qu'il a quasiment un côté presque Terminator dans le fait qu'en en fait, il lâche jamais. Il y a plein de moments où on se dit, ça y est, cette fois, c'est fini. Non, non, il revient toujours, je le trouve, mais hallucinant. La prestation est folle, oui. Et il y a une scène que j'ai trouvée vraiment, pas dérangeante, mais vraiment très prenante. C'est... la scène où Liz part en voiture. Non, pas Liz, oui. Christy, la blonde, part en voiture. Et elle est poursuivie par Mick. Et lui, il est à la fenêtre, il rigole à moitié en léchant son couteau. On ne sait pas si on doit rire parce qu'il est presque drôle, en fait, tellement il est over the top, ou être vraiment profondément mal à l'aise. Mais étrangement, il a un côté... Enfin, pas attachant non plus, parce qu'on ne s'attache pas à lui, mais... T'as envie de le suivre. Ouais, voilà. Il est pas, c'est pas comme certains films d'horreur où t'as les méchants et tu fais non, ils sont vraiment des psychopathes horribles. Non, pour moi c'est vraiment, il est au panthéon des cinéma d'horreur. C'est juste pour lui, le film vaut le détour en fait. Oui, voilà. Oui, il a un côté attachant là où par exemple, je sais pas, Jason dans Vendredi 13, jamais tu t'attaches à ce gars dans les premiers quoi. Non, c'est plus, il a plus un statut iconique. Voilà, alors que lui, il a un côté, de toute façon, au départ, il est sympathique. La première fois qu'on le voit, il est super sympa. Ah oui, il propose de l'aide et tout ça, il répare, etc. Et il est drôle aussi, d'un espèce de côté très, très redneck, mais le redneck conscient, il fait plein de blagues ou quoi. Moi, je le trouve plutôt marrant au début. Bah oui, c'est ça. Et du coup, on s'attache à lui. Et on garde cet attachement. Alors ouais. Qu'il détruit à peu près inutile décor et tout, mais bon. Moi, sur le coup, j'avais noté 3-4 trucs sur le film. Il y a une scène que dont je me rappelais pas être aussi vraiment aussi violente. C'est la scène où on découvre son repère, au moment où les personnages viennent de se réveiller. Est-ce que tu vois de laquelle je parle? Ouais. Et là, pour le coup, du coup, on voit Liz, donc le personnage, l'héroïne, entre guillemets, du film, se réveiller et assister à ouais, une simili-tentative d'agression sexuelle, on va dire, quand même, sur le Christy. Et ça va quand même super loin. C'est-à-dire, sur les murs, tu vois les corps, etc. Je m'attendais vraiment pas à ce que le film... Enfin, je m'en rappelais pas. Oui, c'est un côté surprenant, oui. Parce que quand... Moi, je sais de quoi ça allait parler, mais si on découvre le film comme ça, surtout qu'au départ, il a l'air sympa, ce monsieur. Ouais. Et on découvre tout ça d'un coup. En fait, ça arrive d'un coup. Ouais, on s'y attend pas. C'est vraiment surprenant. Ça, et autre chose que j'avais noté, et là, tu connais mon amour pour le gore prosthétique. C'est que les effets gore dans ce film, mais... Alors, il n'y en a pas tant que ça dans celui-là. Celui-là, il était plutôt timide. Mais quand il y en a... Ça fait plaisir. Si on aime le prosthétique, ça fait plaisir. Et j'ai un autre souci avec le film, c'est que je le trouve trop sombre d'un point de vue photo. Sur la photo, c'est vrai qu'elle est très sombre, mais moi, au contraire, je l'ai trouvé extrêmement belle. Vraiment, vraiment superbe photo. Non, je suis pas convaincu par ça. Sur toute la première partie, les plans sur le cratère, etc. Si, ça oui, mais tout après, là, quand il fait nuit, en fait. Ouais, c'est vrai que sur toute la deuxième partie se fait de nuit là-dessus. Ouais. Il y a juste un truc, c'est quand même inspiré de faits réels, rappelons-le. Alors, la carte des faits réels, elle va souvent nous être servie pendant la rétrospective, je pense. Oui, parce que l'histoire se serait vraiment passée. On ne sait pas ce qui se passe Monsieur Mick. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, le film est une compilation de plusieurs faits réels qui se sont passés en Australie, où au début du film, on dit quelque chose comme, tu sais, un certain nombre de touristes sont perdus chaque année, on en retrouve 90%, etc. Et pour le coup, c'est pas basé sur des faits réels, Mais c'est inspiré, donc à voir. Vraiment au deuxième qui sera un peu plus fou, mais plus axé, plus basé sur un fait réel propre. Ouais, mais un dernier truc que j'avais noté sur le film, c'est le fait qu'il est ultra cruel en fait. Vraiment, ah oui, ça y va pas de main morte. Alors là, gros spoiler, mais la mort de Christy, si tu t'en rappelles ou pas. C'est-à-dire qu'elle est sur le bord de la route et elle se fait juste abattre. C'est un plan large et elle se fait abattre au fusil. Il n'y a pas de grosse mise en scène ou quoi. C'est juste, hop là, le perso est mort. Très efficace, ouais. La fin de Liz, où elle se fait poignarder dans le dos, et juste, bah, tu devines qu'elle ne va pas bien finir. Et juste la scène de fin, que je trouve absolument atroce. Mais le film a un côté très réaliste. Et plutôt très, très cruel, c'est vraiment ça qui est très très ouais, très très... Il arrive à nous faire croire à ce qu'on voit, en fait. Et sur ça, j'avais noté du coup que le film avait été partiellement vendu sur sa violence, justement très crue et très réaliste. Mais alors, et du coup, est-ce que tu savais que Greg McLean fait partie d'un membre du Splat Pack, si tu connais. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est. Pas. Non. C'est un terme qui est inventé par l'historien du cinéma Alan Jones et qui regroupe en fait la vague moderne de réalisateurs d'horreur qui font des films assez violents. Et dans Splat Pack, on retrouve Alexandre Aja, Darren Lynn Bousman, Eli Roth, Neil Marshall, Rob Zombie, James Wan, Robert Rodriguez et Lake Vanel et Greg McLean pour Wolf Creek et Solitaire. Bizarrement, ça m'étonne très peu. C'est vrai, c'est réputé en fait. Il est connu pour ça, du coup. Bah, on va voir que ça peut se confirmer. Et du coup, ce que j'avais noté, du coup, c'est aussi que lors de sa tournée des festivals, le film avait été quand même un sacré choc, parce que le fait qu'il soit vendu sur une histoire vraie et que c'était en tout cas, un des premiers films d'horreur plutôt mainstream, entre guillemets, australien qui a commencé à circuler, ça avait vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et du coup, avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un avis global ou une autre information à donner? Non, c'est principalement tout. C'est lui qui est au scénario, McLean, ouais. Précisé. Et non, voilà, c'est l'avis principal. Et que c'était un peu pas une mode, mais à l'époque, oui, les inspirations sur Ferrell, ça marchait pas mal. Elle était en 2005 et 2000. Il y avait eu Blair Witch, fin des années 90, voilà. Qui avait lancé la mode. Donc ça, mais... c'était encore dans la bonne période. Et pour moi, vraiment, ce film est... je termine sur ça, après on passe à la suite, mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur des années 2000. En tout cas, un des plus marquants. Si vous avez l'occasion de le découvrir, foncez, vous ne le regretterez pas, ne serait-ce que pour la performance du méchant. Enfin bref, je te laisse présenter le film. Ouais. Le point où je suis vraiment d'accord, le méchant. Le reste, ouais. Je suis moins courant. Ah mais... ouais. Chacun son avis, mais moi je vous dirais, voyez-le. Bref, on passe à la suite, je te laisse présenter le film suivant. Le prochain film, donc Solitaire ou Rogue en VO. On peut trouver le film sous les deux noms, sorti en 2007. Je suis censé faire une excursion en bateau quelque part dans le coin. Il y a une règle absolue sur mon bateau, on a droit qu'à une seule cartouche pour se plaindre de la chaleur ou des mouches. J'écris des articles sur les voyages pour un magazine. Vous êtes là jusqu'à quand? Quelques jours, à Alice Springs et après je rentre. Vous rentrez où? Chicago. Les spécimens qu'on observe aujourd'hui sont des crocodiles de mer, probablement les membres les plus dangereux de la famille des crocodilidés. Ils peuvent nager sous l'eau à 30 km/h sans même rider la surface de l'eau. Et ils peuvent bondir hors de l'eau et attaquer en se déplaçant incroyablement vite. Ne vous inquiétez pas, madame, on est en sécurité sur ce bateau. Solitaire ou Rogue toujours, c'est ce qu'on appelle communément un film de crocodile, où en gros on suit un groupe de personnages qui va se retrouver coincé sur une île aux proies avec un crocodile géant et qui va essayer de s'en sortir. C'est un scénario simple, mais encore une fois, efficace. Très efficace. Le scénario, c'est toujours McLean, du coup. Il scénarise son propre film. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, sur ça, alors, pour le coup, lui, je l'avais vu il y a très, très, très, très, très longtemps, à une époque où j'avais vu pas mal de films de crocodiles, enfin, pas mal. J'en avais vu 4-5, je commençais à vraiment bien aimer ça, donc tu sais, les Blackwater, etc. Et je crois que c'est mon film de crocodile préféré. C'est-à-dire que, déjà, j'étais ultra content au casting de retrouver Sam Worthington, le héros de Avatar. Juste avant Avatar. Juste avant, Radha Mitchell, qu'on a pu voir dans Silent Hill le premier, qu'on reverra dans un autre film, on retrouve John Jarrett, mais pour le coup, lui, qui est méconnaissable. Un rôle, j'ai dû chercher que c'était lui, pour savoir que c'était lui. Donc vraiment, un casting super sympa, et pour moi, c'est vraiment un film que j'adore. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui atteignent des niveaux de tension juste hallucinants. Je pense à la scène de la corde, notamment. Oui, bah, c'est ce que j'avais noté aussi, cette scène de la corde. C'est ma scène préférée du film, elle est incroyable. Pour le coup, moi, je serrais les jambes, mais c'est vraiment c'est une maîtrise du suspense qui est complètement fou. Je trouve que Alors que à ce moment-là, il y a Sam Worthington qui quand même traverse à la nage, on n'a quasi rien à faire, alors qu'il est quand même dans l'eau, quoi, avec un crocodile à côté. Par contre, la corde, c'est au-dessus, il y a beaucoup plus de pression. C'est super, c'est vraiment stressant. Et je trouve que la réalisation par rapport à Wolf Creek a vraiment monté d'un cran. C'est-à-dire qu'il y a plein de plans sous-marins. On retrouve ce côté contemplatif. Très contemplatif. Il y avait dans Wolf Creek qui retrouve ici pour les paysages. Et à nouveau, la photo est vraiment hallucinante. La photo, je la trouve super belle. Enfin, c'était un vrai plaisir. Et même si la réalisation reprend parfois les dents de la mer, notamment sur certains plans sous-marins, je trouve qu'il arrive quand même à bien s'en sortir et à s'imposer une vraie... Enfin, à rester très cohérent. Et un détail qui m'a marqué, c'est comment il arrive à caractériser ses personnages en juste un ou deux plans. Oui, les personnages sont très marquants. Il y en a quand même, je crois pas, une dizaine. Et on sait vraiment qui est qui. Bah, par exemple, je pense au personnage du vieux avec le coup des cendres. En fait, c'est tout bête, mais ça fonctionne. Pour expliquer, en fait, lorsqu'il s'apprête à embarquer sur le bateau, il dit qu'il a deux places. Donc il embarque, et en fait, au milieu du trajet, on le voit verser des cendres dans l'eau. Donc on comprend que sa femme est morte, ce qu'on apprend plus tard dans le film. Non, non, vraiment, ça m'a... Et là, pour le coup, toi, ça a dû peut-être plus te plaire, vu que ça démarre seulement à la minute 30. Alors, c'est justement l'inverse. Tout le début m'a plu, et j'aime le film en général. Je vais en passer un bon moment. Juste, j'ai plus de mal avec la fin. Pardon, le héros se trouve tout seul. Dans le repère du crocodile ? Ouais, je trouvais ça un peu plus poussif, un peu long. Genre, au bout de 3-4 coups au crocodile, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Mais non, dans l'ensemble, c'est un super moment, ouais. Et très réaliste, encore une fois. On y croit. Très réaliste, et quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué aussi, c'est la gestion de l'attente. C'est-à-dire que le crocodile, on le voit pas tant que ça, c'est à part la fin qui se passe... Non, on le voit, à part la fin, on le voit quasiment jamais. La fin qui se passe dans son repère, ou pour le coup, dans le repère, il y a certains plans qui, je pense, sont faits en numérique, et ça a un petit peu vieilli, ou alors c'est peut-être juste moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Non, ça a certains... Dans l'ensemble, non, mais certains plans, quand on voit le crocodile vraiment bien... Ouais, en entier. Ouais, là, ça fait un peu collé, quoi. Et c'était vraiment marquant, le fait que même dans les scènes où on ne le voit pas, ça permet vraiment de les rendre attachants, de créer une tension très, très insidieuse, mais très, très efficace, je trouve. Parce que combien de temps il faut pour qu'on voit jusqu'au câble, jusqu'à la corde bah, ce que j'ai noté, c'est que la première attaque du crocodile, c'est à la 30e minute. Oui, attaque. Mais juste le bateau, il bouge, on ne le voit pas, lui. Non. Attaque. C'est à la 30e minute, la minute 30, c'est le moment où le bateau se renverse et ils sont tous sur l'île. Oui, mais on voit pas le crocodile toujours. Non, on le voit pas. C'est la scène de la corde, je dirais que c'est au bout d'une heure. À peu près. C'est là qu'on le voit pour la première fois. Et à nouveau, là, pour le coup, en termes de film gore, c'est pas si gore, mais c'est quand même plutôt craspec. Voilà, dans l'ensemble, il y a quasi pas de scène gore, mais quand ça l'est, quoi. Quand ça l'est, on va dire que le travail est fait. Du coup, est-ce que tu as à nouveau quelque chose à rajouter sur Solitaire ou pas tant que ça? Là, pour le coup, en québécois. Féroce en québécois. Voilà, je trouvais ça quand même marrant de le noter. Wolf Creek, c'est le cratère du loup. Alors non, Wolf Creek, c'est Terreur à Wolf Creek. On dirait un épisode de Scooby-Doo, mais... oui, un peu. Et non, sur Solitaire, c'est très réaliste. Encore une fois, c'est basé sur des faits réels. Et c'est un côté, ce côté réaliste, on y croit, ce crocodile. Et souvent dans les films comme ça, c'est ce qui manque en eau trouble pour un film de requin. Un film dont on parlera un jour, Corentin, tu n'auras pas le choix. C'était pas le film avec Statham, ça? Là, on ne croit pas du tout au requin. Là, au crocodile, on y croit. Ouais, tu crois pas à Statham qui met des high kicks au requin, toi? On en parlera. Comment ça, c'est pas vrai? On parlera un jour de ça. Non, ça... c'est ce côté très réaliste qui fonctionne. Et surtout, le côté réaliste donne du coup ancre du coup le film dans une ambiance très. On sentait plus ça dans Wolf Creek, mais très très sec. Je sais pas comment dire, mais C'est très étouffant en fait comme film. C'est à Wolf Creek, tu le regardes, même la première heure qui pourtant n'est pas encore la descente aux enfers de la deuxième, c'est déjà très sec, très très pas angoissant, mais et on voit ça dans les étouffant, paysages. Très étouffant. Voilà, exactement. C'est ça à quoi je pensais notamment. Greg McKinnon, il a toujours ça avec ses décors, ses paysages, et où dans le 1, c'est comme il dit, sec avec le désert. Là, on a la jungle qui étouffe. On sent vraiment que nos héros sont prisonniers avec la jungle autour. C'est... Il arrive à rendre le film vraiment étouffant et vraiment difficile. Et à nouveau, sur Solitaire, je l'avais déjà dit sur Wolf Creek, mais là, je trouve vraiment la photo superbe. C'est-à-dire que c'est un film d'horreur pas bas budget, mais on va dire petit budget. Genre, je crois qu'il a coûté autour de 2 ou 3 millions. Il n'a pas coûté si cher. 27 millions de dollars australiens. Il a coûté 27 millions de dollars australiens. Ah, je confondais avec Wolf Creek. Wolf Creek, c'est 1 million. C'est 1 million, ouais. Mais en fait, Solitaire, je trouve qu'il arrive à vraiment proposer quelque chose de différent et de beaucoup plus ambitieux en termes, sur le plan technique en tout cas, que d'autres films, entre guillemets, d'autres standards auxquels on peut s'attendre dans cette catégorie-là. Je pense par exemple au Lake Placid, qui sont les films de crocodiles les plus reconnus, où vraiment, vraiment Solitaire, j'aime énormément ce film. Mais en plus, entre Wolf Creek, c'est-à-dire, ouais, comme tu dis, il y a vraiment un écart de réalisation. Ouais, on sent vraiment que c'est poussé beaucoup, c'est beaucoup mieux. Wolf Creek, c'était vraiment film amateur, je trouve, à la manière dont c'est filmé. Oui, mais c'est ce côté film de vacances qui lui donne sa puissance lorsqu'il commence à vraiment aller loin. Oui, voilà. Et donc Solitaire, ça marche très bien sur la réalisation et on commence vraiment à ressentir sa patte dans Solitaire. Ouais, la patte, enfin, le patte auquel on reviendra plus tard, j'avais noté 2-3 trucs là-dessus. Encore quelque chose à rajouter ou on peut avancer ? Alors sur le film, non, mais faut savoir que juste après Solitaire, il a fait réaliser Paranormal Activity 2, ce qui ne s'est pas fait. J'aurais beaucoup aimé voir un Paranormal Activity réalisé par Greg Backlin. Je sais pas si ça colle à son style, mais ouais, pourquoi pas. Ah, mais ça aurait été marrant de voir ça plutôt. Ouais. Je ne suis pas ultra fan des Paranormal Activity. On passe à la suivante. Allez, je te laisse présenter le film. Donc 6 ans plus tard, donc après Solitaire qui était en 2007. En 2013, Greg McLean s'attaque enfin à quelque chose qui a été longtemps demandé par les fans, à savoir la suite de Wolf Creek, sobrement intitulée Wolf Creek 2. Dans ce bas monde, on trouve des personnes comme moi. Et des pauvres merdes dans ton genre. C'est un accident ? Aidez-moi ! Et des personnes comme moi bouffent les gens de ton espèce inférieure. Moi, c'est Mick Tyler, chasseur de cochons sauvages et légende du bush australien. Tu débarques dans mon pays, tu fais tes petites affaires comme si t'étais seul maître à bord. Tu prives un prédateur de sa proie et tu crois pouvoir repartir comme si de rien n'était. Petit fumier. Et on a un truc ici. Une malfaisante vermine. Une saleté de parasite. Donc, Wolf Creek 2. Ou Terreur à Wolf Creek 2, en québécois. On repart sur des bases solides. Donc, le film refait le coup de l'histoire vraie pour démarrer. Je crois que c'est quasiment le même texte qui apparaît. Oui, pour avoir vu le casier de la suite, c'est le même. Donc, le film démarre comme le précédent, avec un couple de touristes allemands qui vont venir visiter le cratère de Wolf Creek. C'est littéralement quasiment le même début, c'est-à-dire à nouveau le côté film de vacances, les héros qui s'amusent. Le couple se fait attaquer par Mick Taylor, toujours en pleine forme, et le film vire complètement quand la femme du couple est sauvée par Paul, un touriste qui passait par là, et va alors s'engager une traque à travers tout le bush australien. Au casting, j'ai noté qu'on retrouve encore John Jarrett, qui est dans le rôle de Mick Taylor, ou Ryan Corr, qui va jouer dans la prochaine série House of Dragons, qui va sortir sur HBO. Ah oui, je ne sais pas ça. Et du coup, McLean a voulu attendre pour réaliser la suite, parce qu'il a préféré d'abord se consacrer avec Rogue, mais il a admis qu'il aurait peut-être dû le faire plus tôt. Et le budget a un peu grimpé, passant à 1,7 million de dollars. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cette suite un peu plus festive, on va dire ? Ah, c'est l'opposé du premier pour moi. J'ai adoré. Mais tout, de la scène d'intro à la fin, j'ai été happé par le film. Parce qu'il est beaucoup plus absurde, on va dire. Et j'adore ce côté-là. C'est vrai que là, en 25 minutes, on est dedans. Pour le coup, c'est à la 25e minute que le film se fait attaquer. Oui, mais d'abord, il y a la scène d'intro avec les policiers. Ah oui, tu l'as raconté. Alors, cette scène d'intro, le film commence. On a donc ces deux policiers qui prennent des écarts de vitesse. Et ok, évidemment, il y a le Mick Taylor qui passe, qui ne va pas vite pourtant, et les policiers l'arrêtent quand même. Et alors là, deux, trois scènes de dialogue, et Mick Taylor va les démonter, littéralement. Alors, entre un qui va se prendre une balle, ça va lui exploser la tête, la moitié de la tête. Il va repeindre toute la voiture. Hein. Voilà, mais ça n'a aucun sens, et c'est incroyable. On est, contrairement à un qui prenait son temps, qui prenait son perso, là on est directement dedans. On est lancé, quoi. On sait à quoi, qu'est-ce qu'on va voir. C'est incroyable. Ben, moi, ce que j'ai noté, c'est que pour moi, la Wolf Creek 2, c'est le cousin dégénéré et sous coke du 1. C'est-à-dire que. C'est sous coke, oui. On est sur un film qui est plus du tout sur ses personnages, mais entièrement sur son méchant. Parce que je pense que MacLean a bien vu que ce qui avait marqué dans le 1, c'est son méchant. Et les personnages fonctionnent quand même. Le personnage de Paul il est jamais présenté. C'est vraiment le gars qui arrive au milieu du film fait « Bonjour, je traînais par là ». Ouais, et on s'attache à lui. Bah, ce que j'ai vu, c'est que le film de 2 abandonne totalement l'angoisse qu'il y avait dans le 1 pour être beaucoup plus énergique, bourrin et surtout violent. Et surtout beaucoup plus violent. Et la scène du quiz, par exemple, est angoissante. Ah oui, toute la scène de fin. Oui. On sait pas hein, quand ça va finir et tout, aidé par les effets violents. Non, mais c'est vrai que. Très bien. Bah, sur ça, ce que. Moi, des trucs que j'avais noté d'autres trucs que j'avais aimé, c'est justement qu'il est totalement différent du premier. C'est-à-dire, pour moi, les deux sont cohérents, c'est-à-dire, on peut voir les deux à la suite, mais j'ai du mal à les comparer entre eux parce que le premier, c'est très, très angoissant, là où le deux, c'est quasiment un gore-fest par moment. Et ça, surtout, parce qu'on est obligé d'en parler, Corentin, de cette scène des kangourous. qu'on en parle. Tu veux la raconter ou je m'en charge? Allez, je la raconte. Vas-y. Donc, Paul, qui se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit, se retrouve pourchassé en voiture, en camion. Donc, lui, il est en voiture, et le méchant est en camion. Mick est en camion, exactement. Camion style Optimus Prime, quoi, un bon gros camion. Donc, ils se poursuivent, des rapages, et là, des kangourous. Des kangourous qui arrivent sur l'autoroute. Et alors, pendant que Paul essaye de les éviter, comme ferait tout être humain normal, pas un ou deux, il y en a genre 20. Va littéralement foncer dans les kangourous, les écraser sans aucun remords. Et ça n'a aucun sens, mais c'est incroyable. Quand j'ai découvert cette scène, je me disais, hop, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, est-ce que tu as noté la punchline qu'il sort à ce moment-là? Ah, je m'en rappelle plus. Parce que, aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film a beaucoup plus de punchline. Il y a vraiment un humour mais extrêmement noir, mais très drôle. Et c'est-à-dire qu'à un moment, du coup, il rentre dans le kangourou et il fait un « Sorry Skippy » en VO, en tout cas. Mais j'en ai vraiment ri, mais c'est tellement improbable. Donc ouais, il y a un petit trigger kangourou mort. Il est content de tuer ses kangourous. Non, mais il y a un petit trigger kangourou mort si jamais il y en a certains que ça peut gêner. Et pour le coup... Oui, mais alors, ça fait très numérique. Voilà, là, ça se voit que c'est du numérique pour le coup. Encore heureux d'ailleurs. Tu es de vrais kangourous. Ouais, ça aurait fait bizarre. Et, mais surtout, je sais pas combien il en tue, mais une dizaine au moins. Quoi. Ah oui, il rentre dans une dizaine et tu entends juste les bruits sous le camion, c'est très particulier. Le film, je trouvais que le film avait énormément de ruptures de ton. C'est-à-dire que par exemple, toute la séquence où Mick poursuit la femme allemande, c'est très angoissant, c'est très, très noir. Elle rencontre Paul, il y a une séquence de poursuite. Est-ce que tu te rappelles comment elle se termine? Je sais qu'elle finit par mourir. Bah, c'est-à-dire qu'il tire une balle. Ah oui, c'est ça, oui. Dans la vitre. Oui, et du coup, il tue l'allemande. Mais c'est quasiment un dommage collatéral. Enfin, c'est montré comme si c'était un dommage collatéral. Et du coup, il y a à nouveau une séquence que moi, j'avais beaucoup aimé dans le 1. C'est du coup la poursuite entre Christy et Mick. Il y a à nouveau la même scène quasiment dans le 2, lorsqu'il poursuit l'Allemande et Paul dans la voiture. Et tu sais qu'il lèche son couteau comme il faisait dans le 1, complètement taré. J'aime bien quand on parle des Allemands, c'est qu'au début du film, on a l'impression que c'est vraiment eux les héros. Et ils sont vraiment suicidés en 5 minutes et on passe au vrai héros, donc Paul. Et j'aime vraiment ce côté-là où je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment à ce qu'on se Toi, je râlais, je disais, oh, je suis des Allemands, on ne comprend rien ce qu'ils disent pendant tout le film. Non, ils sont vraiment au bout d'un quart d'heure, ils se font défoncer et on change de héros. Et je trouve que c'est vraiment surprenant. Le film est surprenant dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose qui est, tu en avais parlé au début, mais c'est l'ambiance du film est plutôt festive, c'est-à-dire la scène d'intro. Du coup, il explose des policiers, mais là où tu as oublié de préciser un truc, c'est que le deuxième, il ne l'explose pas. Il se crache, la voiture se crache avec le policier à l'intérieur. Et Mick va faire brûler la voiture. Non, d'abord, il lui explose une vertèbre pour le paralyser. Oui, il le met dans la voiture, fait brûler la voiture. Et lorsque le policier dit qu'il peut faire partir la contravention qu'il vient de lui mettre, il fait « Tu peux faire partir la contravention ou je peux te faire partir ?» Et c'est, le film souffre sur ça, tu sais que ça va être un film festif, joyeux. Voilà, pas forcément détente, parce que quand même, ce qui est beaucoup plus gore que le précédent. Ah ouais, bien plus gore. Hein. Il y a des têtes arrachées, il y a des doigts coupés à la scie circulaire, il y a de l'empalage. Ça y va. Tout. Et c'est une séquence, moi, c'est ma préférée, c'est celle de la maison des personnes âgées hein, qui recueillent Paul. Cette séquence avec la musique classique. Par-dessus, c'est incroyable. Elle est super glauque. Pour le coup, c'est vraiment la scène, j'ai trouvé la plus glauque quasiment. Ouais, mais on se dit, ah tiens, c'est cool, déjà gentil. On se doute qu'ils vont mourir, parce que de toute façon, c'est très bien quand ça se passe dans ce genre de film. Mais il y a la réalisation, je trouve qu'elle apporte un côté. C'est très, comme tu dis, glauque, mais avec cette musique classique par-dessus, c'est presque un jeu pour Mick. Et encore sur la réalisation. Je trouve qu'il y a encore un gap qui est franchi, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de tension, on en avait parlé, mais qui sont hallucinantes. C'est-à-dire la scène avec les Allemands, parce qu'ils se font massacrer. Mais avant de se faire massacrer, ils ont un dialogue autour du feu, où nous, spectateurs, on a vu le 1. On sait que c'est un sadique, mais eux ne le savent pas. Et du coup, il y a plein de moments, mais c'est vraiment stressant. Et la scène chez les vieux dont tu viens de parler, et la scène de fin. C'est-à-dire la scène de fin dans le repère de Mick. Je trouve qu'il y a des plans, moi ce que j'avais noté, c'est, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais au début tu vois que Paul, le héros, dans le noir, et tu entends juste la voix de Mick autour de lui, qui est très angoissante, très stressante, et plus loin, Mick allume la lumière de son repère, et tu as une légère contre-plongée qui révèle énormément de cadavres au plafond, ça marche super bien. Mais tout le film fonctionne, c'est vraiment, il est beaucoup plus rythmé que le premier aussi. On ne sait vraiment pas un seul moment où ça s'arrête. Même quand il se passe rien, il se passe quelque chose, genre le quiz, ça c'est improbable. Le quiz, bah, je te laisse raconter ce que c'est que le quiz pour expliquer. En gros, Paul est accroché et le méchant lui dit, fait un quiz en 10 questions sur l'Australie, parce qu'il est vraiment un peu chauvin quand même, Mick. Mmh. Et s'il trouve au moins 7 bonnes réponses, il est libéré. Par contre, s'il se trompe, il se coupe un doigt. Ça marche très bien sur le papier là, quand on l'entend comme ça on se dit mais what the fuck, et ça marche très bien. Ah, ça marche super bien et surtout ça fait mal. Oui, et ça écrit encore plus le personnage du méchant. On voit vraiment qu'il est attaché à son pays. Et après il y a toute la poursuite dans le repère de Mick après, et là il y a une scène qui m'a fait énormément rire, c'est la scène des pointes, si tu vois ce que c'est. Oui. Je la raconte rapidement. Pour faire simple, le repère de Mick est un espèce d'énorme labyrinthe souterrain. Et le personnage de Paul, à un moment, remarque un piège avec des pieux. Donc c'est un trou avec des pieux au fond. Et il se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser Mick dedans. Donc je vais me cacher, je vais attendre. Et dès que Mick passe à côté de moi, je le pousse. Et donc il se cache, il voit quelqu'un passer à côté, il le pousse. Et en fait, on découvre que c'est absolument pas Mick, mais une autre survivante en très mauvais état, qui était là et qui essayait de s'enfuir du repère. Et qui, du coup, est en beaucoup moins bon état. Et qui, du coup, est en bien moins bon état une fois qu'elle a été poussée. Et c'est juste, mais... Moi, ça m'a... Faut avoir un humour très noir, mais moi, ça m'a bien fait rire. Et encore une fois, la fin du 2, que j'ai trouvé horrible. Mais et qui est de ce côté histoire vraie, justement, que je disais tout à l'heure. Les faits qu'on voit dans le film ne sont pas réels. Enfin, on se doute que ça ne s'est pas passé comme ça, mais le fait de débarquer. On espère. On espère. Un pauvre kangourou. Et les faits de départ et de fin sont vraiment apparemment arrivés dans la vraie vie. Et c'est, ça rajoute un côté au film angoissant, quoi. Mais c'est vrai que du coup, sur Wolf Creek 2, la fin était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vu. Et la deuxième... C'est la même fin. Non, pas vraiment. Parce que dans le 1, l'un des héros s'en sort et se fait interner. Bah là aussi. Et non, dans le 2, il se fait arrêter par... Il se fait arrêter. Et oui, et après il se fait interner. C'est marqué à la fin. Ah ok, d'accord. Ça, je me rappelle, j'avais pas noté. Dans les encarts, donc il se fait arrêter. Au départ, ils pensent que c'est lui le tueur. Et ils disent, à force, au bout d'un moment, en fait, il est tellement convaincu de ce qu'il dit, personne ne le croit qu'il se fait interner. Et apparemment, il serait encore interné aujourd'hui en Angleterre, dans son pays d'origine. Oh la vache. Bah, sur ça, du coup, j'avais oublié de noter ça. Est-ce que tu as quelque chose à nouveau à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la suite? On peut passer à la suite. Ok, donc... Au film que tu attends le plus. Non, on n'a pas le film, on a d'abord la série. Ah, ça attendra alors. 3 ans plus tard, en 2016, MacLean propose non pas Wolf Creek 3, comme pouvaient l'attendre les fans, mais propose une série autour de son personnage et de son univers, et propose donc la série Wolf Creek. On a hippie trail, head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men plunder. Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. La série Wolf Creek, donc série en 2 saisons de 6 épisodes diffusée entre 2016 et 2017. Est-ce que tu as pu voir la série ou pas du tout? Non, j'ai pas eu le temps encore. Pas de souci. Du coup, moi, j'ai pu voir les 2 saisons. Curieux. Ah bah, ça a raison. Parce que la saison 1, en fait, suit l'histoire de Eve, qui est une jeune fille qu'on comprend être en cure de désintoxication, qui, lors de vacances avec sa famille, va assister au massacre de sa famille par Mick Taylor. Elle va être laissée pour morte et elle va décider de partir en quête de Mick afin de tout simplement de pouvoir se venger. En fait, Quelle bonne idée. Ouais, mais justement, c'est plutôt intéressant parce que ça, en fait, la série démarre comme un film, enfin comme un film Wolf Creek, et vire totalement dans quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Et moi, je l'ai beaucoup aimé parce que elle propose vraiment autre chose. Ça prend quasiment la forme d'un road trip de freaks avec chaque épisode qui correspond à un nom de lieu. Eve va aller vraiment de rencontres étranges en lieux très glauques. Je pense notamment à l'épisode 4 ou à l'épisode 5 où elle se fait mordre par un serpent et il y a toute une séquence quasiment sous drogue. Enfin, sous drogue. C'est souvent quelque chose de très cher à Craig MacLean. J'ai remarqué ça quand on avait tous ces films d'un coup. Il y en a dans quasi chaque. Maintenant que tu le dis, oui. Les serpents, il y en a partout. C'est vrai, maintenant que tu le dis, je réalise ça. Et qu'au fur et à mesure de son voyage, et en fait, sur la série, donc déjà, le générique est super. Mais vraiment, le générique est très, très, très, très cool. La photo est dingue, la photo est vraiment hallucinante. C'est-à-dire, Greg MacLean n'a que réalisé le dernier épisode, mais tous les épisodes sont vraiment super, sauf le 2. Le 2 est celui que j'ai le moins retenu, que j'ai trouvé le moins rythmé, le moins intéressant. Et pour le coup, la série est absolument pas aseptisée. C'est-à-dire que dès le premier épisode, il y a un enfant qui se fait tuer, ça va dans tous les sens. C'est vraiment très, très, très, très, très violent et très intéressant. Et à la fin... Ouais. C'est toujours John Jarrett. Ouais, c'est toujours John Jarrett qui fait Mick Taylor. Et en fait, la fin, on découvre quelques éléments sur lui. Chose que j'ai trouvé un peu dommage parce que on comprend un peu pourquoi est-ce qu'il est devenu fou. Ça tient pas vraiment la route, mais bon, j'aurais pas aimé. Parce qu'il y a ce côté mystérieux, oui. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est un peu dommage que la série explique pourquoi il est devenu comme ça. Même si la série en elle-même, je l'ai quand même trouvé. Enfin, la saison 1, je l'ai trouvé plutôt agréable. Parce que très différente, vraiment la saison 1, ça redevient un Wolf Creek que lors du dernier épisode. Le dernier épisode, globalement, c'est Wolf Creek 1 sur une heure. Enfin, la scène de fin de Wolf Creek 1 sur une heure. C'est globalement ça. Et pour le coup, la saison 2, ça suit un bus de touristes qui est en voyage en Australie, qui va croiser par hasard la route de Mick Taylor. On ne s'y attendait pas. Oh mince alors. Ah, quel dommage. Et qui vont alors se retrouver confrontés à Mick Taylor et surtout aux conditions extrêmes du désert, parce que dès le début de l'épisode 2, ils se font lâcher en plein désert par Mick Taylor. Et, quel homme sympathique, vraiment. Il n'y a pas à dire, c'est un sucre. Mais pour le coup, je l'ai trouvé un peu moins sympa, parce que les personnages, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire, il y avait Eve, auquel moi, je me suis vraiment beaucoup attaché. Je l'ai trouvé, elle avait une vraie évolution, c'était très intéressant. Et là, dans la saison 2, c'est Greg McLean qui réalise les deux premiers épisodes. Ils ont des présentations un peu à la solitaire, c'est-à-dire des petits détails, des petits trucs qui te donnent des infos sur eux. Mais il y en a beaucoup trop, et j'ai trouvé ça un peu moins intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes idées. Les premiers épisodes, à nouveau, qui fonctionnent plutôt bien. Le dernier épisode qui se passe intégralement dans le repère du premier film. Parce qu'on est très différents là-dessus. Ça peut du coup plus me plaire, parce que moi j'aime bien quand il y a plein de personnages. Bah ouais, je pense que ça peut plus te plaire, parce que il y a plein de personnages, dont beaucoup qui sont là pas que pour mourir, mais qui sont pas de grande utilité, on va dire. Il y a pas mal de twists dans la série, notamment sur les identités de tel ou tel personnage. C'est plutôt intéressant. Ça devient pas non plus un cluedo, mais ça permet de bien suivre. Et après, j'ai quand même noté à nouveau que le générique était incroyable. C'est-à-dire que le générique reprend la musique Down Under des Men at Work. Je ne sais pas si tu connais cette musique. Je connais le groupe. Après, la musique, il faudrait que j'écoute. J'essaierai de mettre un extrait, mais vraiment, le générique est fou. Après, je retiens l'épisode 2 qui permet de lancer des hostilités, entre guillemets, qui vraiment est très angoissant, très... Tu sais pas trop ce qu'il va faire, tu sais pas s'il va tous les tuer ou pas du tout. Et l'épisode 6, qui clôture vraiment super bien l'histoire, et pour le coup, l'épisode 6, rien à dire, il est vraiment très très bien. Il y a toujours quelques surprises plutôt agréables, donc comme j'ai dit, des twists, ou le fait de revenir au repère du Rhin, donc un truc qu'on connaît déjà. Et la série a un côté, enfin la deuxième saison a un côté plus slasher, donc c'est plus des personnages qui vont se faire éliminer un à un, mais j'aurais peut-être préféré si elle était plus courte. Pour le coup, peut-être juste 3-4 épisodes, mais comme les films, la fin de la série, donc la toute fin, est absolument diabolique. Vraiment, la toute fin est absolument incroyable. Et il y a une saison 3 de prévue ? Saison 3, non, pour le coup, j'ai cherché un peu, donc il y a un Wolf Creek 3 qui est prévu. Oui, c'est ce que j'allais dire, d'abord ça. Ouais, mais saison 3, non, je suis pas sûr que la série ait eu un si gros succès que ça, parce qu'on s'éloigne quand même beaucoup de ce qu'étaient les films. Donc, je suis pas sûr. Avant que les films, je les connaissais de nom. Alors que la série, j'avais aucune idée de son existence. Je pense que c'est parce qu'elle est un peu passée sous les radars, mais parce que vraiment, elle est très différente des films. C'est-à-dire, la série, les films, c'est des purs films d'horreur. Tu vois, le 1 qui est très angoissant, très sale. Le 2 qui est beaucoup plus festif, mais qui est quand même un gros gore-fest. Là, la série, elle est beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire que le 1, tout l'épisode 4, enfin la moitié de l'épisode 4 dans la saison 1, ça se passe avec un aborigène et c'est quasiment une carte postale pour l'Australie. Alors c'est très beau, c'est super, mais il faut accrocher à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Ok. Donc vu que tu ne l'as pas vu, on passe directement à la suite et c'est toi qui en parles. Ah, quelle chance. Allez. 2016 sort The Darkness. Do you know? The Indians that used to live around here thought this place was haunted. Mikey! Legend says that the guardians of their spirit world lived in the rocks and the trees. That one day, they're going to come back into our world. Don't be a jerk. Like, I didn't mean anything by it. Mikey knows that. Hey, buddy, do me a favor and listen to mommy today. Breakfast, Stephanie. Later. No bags on the table, Mikey. Remember? One, two, three, four, five. Can you tell Michael to stay out of my room? He keeps leaving dirty hand marks everywhere. We never talk about him. We never talk about how he affects all of us. It's getting creepier and creepier. One. Getting angry doesn't help. You're scaring him. Two. He's scaring me. Three. Oh my God. Four. Hey, who's up there? Five. Michael's been acting strangely. Donc 2016, il faut que je résume ça. Donc, en gros, une famille, un des enfants prend des pierres, il me semble. Je l'ai vu ce matin, j'ai déjà oublié pour vous dire. Oui, il prend des cailloux avec des marques dessus. Pierre indienne, et il se trouve que dans sa maison, du coup, il y a une possession démoniaque indienne. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Bah, pour essayer de donner plus de détails, c'est une famille américaine sympathique, avec beaucoup de guillemets. Ils sont en vacances, trop lambda. En vacances dans le Grand Canyon, le fils autiste est con. Précisons qu'il n'est pas, il est pas connu pour son intelligence. Alors que c'est Bruce Wayne dans Gotham. Hein. Non. Ben si, dans la série Gotham, c'est l'acteur qui joue Bruce Wayne enfant. Ben, il a toujours eu de la chance sur ses parents lui. Mmh. Et la fille boulimique de la famille, ce détail à son importance, c'est faux. Qui sont occupés à faire des choses totalement inintéressantes, quand le fils décide de prendre des cailloux marqués de dessins étranges et de les ramener chez eux. Et du coup, quand j'ai vu le film, moi j'avais une question que j'avais envie de te poser, c'est, selon toi, quel est le pire film de Greg McLean et pourquoi c'est The Darkness ? Alors déjà, non, c'est pas le seul, mais déjà, il est plus au scénario, et c'est plus en Australie. Et ça se voit. Ça se voit. Et c'était... Mais après, c'est pas... Parce qu'il faut savoir, j'informe les spectateurs quand même, que Corentin me l'a sous-vendu. Autant il m'a survendu Wolfric, autant il m'a sous-vendu The Darkness. Non, mais... c'était quand même pas si horrible que ça. C'est... Le problème, c'est que c'est le film, je vous dis, je l'ai vu ce matin, je l'ai oublié. Non, mais... Le problème, c'est que c'est plus lambda que ça, c'est pas possible. Et on retient rien de ce film. C'est classique au possible. Il n'y a aucune surprise. Et on s'ennuie. Si la fin est tellement n'importe quoi que du coup on rouvre un peu l'œil. Quelque chose qu'il y a à savoir, c'est que c'est produit par Blumhouse et c'est peut-être un des pires films Blumhouse que j'ai pu voir. Nightmare Island, n'oublions pas. Bah, je pense que je le range. Ah, c'est vrai que c'est produit par eux. Oh oui, c'était horrible. Mais je le range à côté de Ouija 1 ou de, je ne sais pas si tu l'as vu, The Craft Legacy. La suite de The Craft. Ah non. Qui est sorti à... Action Vérité, par contre. Mais voilà. Ah, qui est tout aussi qualitatif, je pense. On peut tous les mettre dans la même case. Alors non, Action Vérité a un concept. Le concept ne fonctionne pas, mais il y a un concept. Darkness n'a aucun concept. Non, The Darkness, il y a un démon aux mains sales. Oui, des ombres. Parce que pendant tout le film, les apparitions du démon, c'est des traces de mains sales. C'est juste ça. Même pas, c'est vu mille fois, ça aussi. Paranormal Activity, de mettre de la farine pour voir le démon. Enfin. Les acteurs, on retrouve Radha Mitchell et surtout gros cœur Kevin Bacon. Et qui a besoin d'argent, je pense. Mais Kevin Bacon, il en a mais rien à faire. Ils sont au pilote automatique pendant tout le film. Ah non, mais c'est... C'est pas non plus, le problème, c'est que c'est pas non plus atroce comme film, quoi. Ah non, si, moi, j'ai vraiment trouvé ça ennuyant et vraiment dur à finir. Vraiment, il y a plusieurs moments, je me suis dit, mais le problème, c'est que comme t'as 20 minutes d'avance sur tout le film, c'est pas intéressant. Ça fait pas très peur non plus. Non, ça fait pas peur. C'est que des jumpscares. Il y a aucune tentative d'ambiance. C'est que des jumpscares et ils sont bâclés. Et oui, encore, on n'a pas tant que ça. Hein. Répétitif aussi. Il se passe toujours la même chose en fait, du début à la fin. Et on perd cette réalisation. On n'a pas l'impression que c'est du Greg McLean en fait. À part la scène du tout début où on voit vraiment le décor du Grand Canyon. Ça, il y a une scène que j'ai trouvée, une scène où je me suis dit ah c'est pas trop mal. Je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais c'est un moment où les personnages sont dans une pièce et la caméra se lève et tu vois plein de traces de sang qui forment des dessins au plafond. Oui, dans l'espèce de salle de bain ou bien entrée. Ouais. Et là, pour le coup, ça dure 5 secondes. Mais pendant 5 secondes, je me suis dit, ah, bien vu, ça marche. Enfin, ça marche. Mais toi, tu préfères la fin, on le sait. Ah, cette fin. Bah, pour raconter, les personnages réussissent à ouvrir un portail au pif. Un portail dimensionnel. Au pif, on voit les démons derrière, les démons qui sont dans une espèce de bouillie numérique immonde. Et le fils est emmené par les démons. Et le père... J'ai l'impression que c'est Doctor Strange qui est passé par là, qui a fait son petit truc. Hop, petit rond. Oui, c'est ça. Dimension. C'est ça. C'est, les ronds de Doctor Strange dans Avengers Endgame, bah, c'est eux, c'est les mêmes. Et le père se sacrifie pour que les démons le prennent à la place du fils. Et je sais sacrifie pas si... pendant 3 secondes. Hein. Oui, alors, oui, justement. Est-ce que tu te rappelles de là, mais lorsqu'il dit « prenez-moi à sa place », sur la tête de Kevin Bacon, il a une espèce de mou où t'as l'impression qu'il dit « s'il vous plaît ». T'as vraiment lui, pour le coup, t'as pas l'impression qu'il veut être sauvé, il veut se faire prendre. Sortez-moi du casting du film. Ah ouais, mais c'est... Mais non, mais ouais, même là, ça marche pas, sacrifice, hein, c'est triste et tout. Genre, il fait « s'il vous plaît, prenez-moi ». Et là, il est sauvé, il fait « non, papa ». Et hop, il revient. Je me dis « pourquoi ?» Ça marche tellement pas. Ça, fin ne marche pas. Et le fils, il est censé être autiste, mais en fait, pendant tout le film, t'as vu, est-ce que tu as vu Mr. Babadook de Jennifer Kent ? Non, il faut que je le voie. Bah en fait, parce que dans Mr. Babadook, le fils est insupportable, mais on s'attache quand même à lui, parce qu'on voit qu'il a, il a un passif, il est bien écrit. Là, je sais pas toi, mais l'enfant, j'avais juste envie de le gifler pendant tout le film. Il est juste pas insupportable. Pas que l'enfant, il y avait la fille aussi, et aussi la mère, et aussi le père. Ah oui, et les démons, on gifle tout le monde. Et ou non ? Pire, les espèces de je sais pas qu'on appelle ça, c'est qu'ils viennent enlever les démons, là. Ça ne sert à rien non plus. Ah ça, les, oh les deux femmes, là. Elles font « Bonjour, nous allons vous aider. Oh mon Dieu, des démons, on s'en va. » Et voilà. Bah, ouais, bah, c'est simple. Insidious, la voyante dans Insidious, bah, c'est elle, mais en indienne et en mal écrite. Donc, ça ne marche pas. Ah non, mais... Là, après, c'est pas non plus hyper mal filmé, c'est pas... Oh si, non... Non, attends. T'es lambda, quoi. C'est un film lambda. Attends, les scènes de nuit. Les scènes de nuit, c'est quand même. Enfin, je vais pas dire que c'est pas compliqué de faire peur, mais il suffit quand même d'avoir quelques idées de plan, de mettre ça plutôt bien écrire et ça passe. Mais là, il n'y a pas un truc qui marche. C'est-à-dire que toutes les scènes de nuit, je veux dire, tu ouvres ta fenêtre le matin à 3h, il y a plus d'ambiance, tu vois. Enfin, c'est. Surtout, tu disais que le Wolf Creek 1 était trop sombre. Mais là, c'est trop éclairé. La photo est immonde. Oui, c'est vrai que c'est très éclairé. La photo est infâme, je veux dire. C'est moche, c'est horrible, vraiment. Et rappelons cette magnifique scène du chien aussi, qui est en fait un loup, qui en fait on ne sait pas trop quoi, avec le voisin. Oh, ah, mon c'est Dieu. C'est votre chien. Non, c'est pas mon chien. Si, c'est votre chien. Non, c'est pas mon chien. Emmenez-le voir un vétérinaire. Hop, ouais. Embrouille ça, de nos chers voisins, le film. C'est ouais. Clairement ça. Ah, mais The Darkness. Ou le truc de l'hôtel aussi. Bonjour. Nous aimerions une chambre. Ah, d'accord. Heureusement qu'on est en semaine. Ah, yes. Mais il ne reste qu'une seule chambre, la suite présidentielle. J'achète. Ils sont une pièce immense pour les besoins de passer une caméra, ça se trouve, j'en sais rien. Attention, ça ne sert à rien non plus. Et lorsqu'il dit « je prends la suite présidentielle », il a un espèce de regard ultra déterminé, genre « je prends ». On a l'impression qu'il vient de signer le contrat de sa vie. Non, il a acheté la rue de la Paix au Monopoly plutôt. Ah ouais, c'est vraiment... Tu as rue de la Paix, je prends. Comme ça, je mets des maisons et des hôtels et je gagne la partie. Ah ouais, je te propose qu'on passe à la suite parce que parler de ce film m'énerve. C'est-à-dire que les prods Blumhouse, même moi, dans la plupart des cas, même si c'est pas souvent trop exceptionnel, j'arrive toujours à trouver un ou deux trucs quand même bien. Là, j'avais rien. Ah, c'est-à-dire, tu l'as vu ce matin, tu l'as déjà oublié. Oui, évidemment, il y a des perles. Mais In Blue Plash, les Insidious, enfin les... Happy Birthday. Ah, Happy Birthday. Mais le film, toi, tu l'as vu ce matin, tu commences déjà à l'oublier. Je l'ai vu il y a une semaine bientôt. Et j'ai dû prendre des notes et des screenshots. Et même avec ça, je n'arrive pas à tout me rappeler. Non, vraiment. Bon, je te propose qu'on passe à la suite qui, a priori, devrait peut-être relever un petit peu le niveau. Un bond entre les deux, là. Et c'est toujours la même année. Je te laisse en parler. Alors, une année plus tard en France. Une année plus tard, c'est vrai. 2017 en France, The Belko Experiment. Belko is a non-profit organization that facilitates American companies in South America. All employees, lend me your full attention. Hey, it's Jesus. Your chance of survival increases by following my orders. Your task is simply this. Kill 3 of your co-workers, or we will kill 6 others. Hey, all the lines are dead. We need to evacuate the floor. Ike, come on, it's a joke, man. Hey, listen up, everybody. Whoever's doing this, they're having a little fun at our expense. Stage one, commence. The Belko Experiment 2017. Toujours pas Craig McLean au scénario, mais cette fois on prend James Gunn, le gars un peu inconnu qui a fait Les Gardiens des Galaxies. Le petit punk qui commençait à bien percer à Hollywood. Voilà. Et donc c'est le scénario dans une entreprise, je sais plus quel pays c'est, en Colombie ou quelque chose comme ça. C'est en Amérique du Sud. Ouais, enfin en Amérique du Sud. Une entreprise de. Je sais pas trop quoi, mais une entreprise. Tout d'un coup, tout se ferme. Et une voix leur annonce qu'ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. C'est le pitch. Et ça fonctionne hyper bien. Et c'est le pitch, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que littéralement, ça démarre à la minute 10. J'ai compté, à la minute 10, il y a le message qui passe dans l'entreprise. Et en 10 minutes, on connaît déjà tous les persos quasiment. Est-ce que 10 minutes servent à nous montrer les personnages. Est-ce que tu as cherché un petit peu d'où vient le film, d'où vient l'idée, le concept? Non, à part que le concept n'est pas inconnu après. Mais... Bah, sur ça, en fait, ce que j'ai cherché un petit peu, j'ai vu en fait Gunn propose un scénario, a eu le scénario en tête en 2007. En fait, ça datait depuis 2007, qu'il n'avait pas pu le réaliser pour cause de divorce, et il l'avait ensuite délaissé. Et en fait, James Gunn a été recontacté en 2015 pour le faire, mais il a refusé de le réaliser. Parce qu'il était occupé sur, tu l'as dit, Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. Mais il a accepté de le produire et d'en avoir le contrôle créatif. Je pense qu'on pourra en parler du contrôle créatif. C'est à ce moment-là que McLean est arrivé pour prendre en charge la réalisation du film. Et du coup, que le film ait le résultat qu'ils sont. Et ce que tu as aussi omis de préciser, c'est qu'au début du film, il y a 80 employés dans le bâtiment. Et qu'à la fin, il y en a un. Entre-temps... Je te laisse parler un petit peu de ton avis, de ce qui peut se passer, et de pourquoi est-ce que ce film est humaniste, on va dire. Très humaniste. Et bah, c'est mon préféré de McLean. C'est le premier que j'ai découvert, c'est celui qui me reste le plus en tête. Ça y est, le mot est lâché, le préféré. Mais après, c'est en même temps l'histoire qui me plaît le plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui me plaît, c'est quand on prend tout un nombre de personnages et qu'on les tue un par un. J'adore ça. Ce qui fait de toi... un sadique. Oui. Nick Taylor est mon cousin, mon oncle, je ne t'ai pas dit. Voilà. Et donc, ça en suit les personnages. Et donc, comme dit Corentin, 80 employés, on doit en connaître une bonne quinzaine, vingtaine dans le film, et on les retient. Et je trouve ça vraiment bon. Et pourtant, c'est pareil, je suis incapable de citer leur nom, à part le personnage principal, à la limite. Mais on les retient tous, comme dans Solitaire, on arrive à retenir tous les personnages. Un petit truc qui caractérise tous, avec des plus ou moins gentils, des plus ou moins méchants. Et effectivement, ils vont se trucider un par un de toute manière possible, de l'arme à feu à l'extincteur, en passant par des choses beaucoup moins conventionnelles. La hache, effectivement. Bah, là, je suis comme toi, j'adore ce film. C'est-à-dire que l'accroche du film, alors il n'est pas disponible en France malheureusement, mais l'accroche du film, c'est que c'est le croisement entre The Office et Battle Royale. Et c'est entièrement ça. C'est-à-dire que la réalisation de McLean, pour moi, c'est quasiment une de ses meilleures. Le goût pour la violence est complètement abusé, combiné avec le scénario ultra cruel de Gunn. Mais c'est, un ça scénario marche. Qui semble simple, mais qui fonctionne très très bien. Ah, c'est ça. Le scénario, il est efficace, mais très efficace, mais aussi vraiment très cruel, parce qu'au fur et à mesure, tu vois toutes les issues se fermer, tu comprends donc qu'il n'y a aucun échappatoire. La violence qui monte peu à peu, le fait qu'aucun personnage n'est à l'abri, c'est-à-dire que littéralement, et je pense notamment à un personnage, je ne veux pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais je pense à un personnage qui peut mourir, enfin tout le monde peut mourir en une seconde. Oui. Ça ? Oui. Le côté loi de Murphy. Le côté loi de Murphy, où si un truc peut mal se passer, tu sais que ça va mal se passer. Ça, on retrouve aussi la BO du film. Tu te rappelles la musique qu'il peut y avoir dedans ? Elle est excellente. Genre, l'intro, c'est sur I Will Survive, reprise en espagnol. Et y a une scène, quasiment une scène d'abattoir qui se fait sur California Dreamin', aussi en espagnol. On les retient et ils ont tous une caractéristique propre, même entre les méchants, entre les gentils, les entre deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément leur nom, mais on connaît leur personnalité, leur lien, c'est très rapide, mais ça marche super bien. Et tu veux dire un mot rapide sur le casting ? Bah, au casting, on a les habitués de James Gunn, comme Sean Gunn, Michael Rooker. De David, David Dastmalchian ? Oui, aussi, les habitués de James Gunn. Et rôle principal, John Gallagher Jr., et qui a un casting, pas, à part si on regarde tous les films de James Gunn, qui n'est pas non plus hyper connu, mais que ça fonctionne hyper bien aussi. Et sur Sean Gunn, je fais une parenthèse, mais il m'a fait rire aux larmes pendant le film. Pour son rôle est incroyable. Parce qu'il joue un toxico, et lorsque, au début du film, lorsque la voix leur dit qu'ils vont devoir s'entretuer, il fait « Cheer man, they lose, I win !» en partant du principe que s'il ne fait rien, tout ira bien. Et plus tard dans le film, alors il pense que le fait que tout le monde devienne violent, c'est dû à l'eau des bâtiments. Oui, à cause de l'eau, il va vider tous les bonbons d'eau. Il va vider tous les bonbons d'eau. Cette eau, non. Ça. Et après, en fait, tous les personnages ont des bombes dans la tête pour les obliger à agir. Et du coup, il va se mettre en tête après de récupérer toutes les bombes sur les cadavres pour faire exploser le mur. C'est complètement une mauvaise idée. C'est super drôle. Mais le mec, ouais, c'est bonbon d'eau. Il regarde son pote le fait. Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu es fou! Mais l'eau! C'est incroyable. L'eau, mais l'eau, c'est. Enfin, Sean Gunn, il est en roue libre dedans. Et aussi, on en a parlé avec la violence, mais le film est ultra gore. Je pense que c'est le plus gore de McLean pour le coup. Wolf Creek 2, quand même, il envoie du lourd. Hein. Ouais, Wolf Creek 2, mais là, je veux dire, la hache, les pistolets, le hachoir, le scotch, les molotovs, la scène de l'abattoir, la scène de l'abattage dans le hall. C'est ouais, quand même, ouais, okay. Ça y va, et surtout c'est que du prosthétique, et mais quel plaisir, ouais, et c'est très surprenant. Faut dire, on se doute que tout le monde va mourir de toute façon, on peut deviner qui va s'en sortir, mais il y a certaines morts, comme je pense à la fille qui se cache. Ah oui, bah oui, bah c'est alors c'est cette à ça mort que je... elle est improbable. Non, dis pas trop, mais c'est à ça que je pensais quand je disais en une seconde. Ouais, mais c'est des trucs qu'on s'y attend pas, quoi. Il y a pas que, il y en a même d'autres. Bah Sean Gunn, genre ça arrive d'un coup, quoi, à chaque fois. Ouais, mais c'est ça, et à nouveau la photo du film, je l'ai trouvé plutôt jolie. C'est-à-dire que c'est pas aussi beau que Wolf Creek. Pour moi, Wolf Creek, je trouvais ça vraiment sublime, mais là il y a plein de plans dans le hall ou avec les lumières. Oui, y a ou pas même... de... Là où Greg McLean fait des paysages dans tous ses films, à part The Darkness. Mais à part The Darkness. C'est vraiment c'est les paysages qui font les l'ambiance décors du film, les décors. Ici, le décor, c'est un immeuble et des bureaux, et même là, il arrive à prendre ses bureaux et d'en faire quelque chose d'oppressant. C'est ça, et aussi une scène que j'ai trouvée très très belle, c'est le tout dernier meurtre avec le scotch, je sais pas si tu t'en rappelles, ouais. Mais en fait il y a une espèce de lumière quasiment d'opéra sur le personnage, c'est super beau. Et à la fin, et... parce que j'avais peur de la fin, je me suis dit ouais, il faut qu'ils sont tous morts. La fin, elle est géniale. La fin, et puis, oui voilà, elle est incroyable, le trou, c'est vraiment bien écrit. Non, et ça en même se voit, temps satisfaisante. Ça se voit que c'est Gunn au scénario, et j'ai trouvé ça, mais tout est bien vu, tout est... Vraiment, ce film, c'est pas le film qui va le plus dénoncer ou quoi, mais juste, c'est... Si le mot fun et humour noir, précisons, devait avoir un équivalent au film, je pense que ce serait celui-là. Oui, parce que oui, c'est horrible ce qui se passe, mais ça divertit. Et mais c'est divertissant, mais c'est pas montré de manière grave ou quoi. Et pour le coup, alors la grosse spoiler, tu vois la scène où 31 personnages ont leur tête qui explose. Ouais. Bah je sais pas toi, mais moi ça m'a fait penser à du Kingsman gore. Oui c'est ça. Et mais surtout c'est des personnages, tu dis mais non ils vont pas être tués là, ah si littéralement. Genre, ah si, ils le font. Et pour le coup, c'est simple, vraiment que j'ai évoqué la loi de Murphy tout à l'heure. Si vous voyez le film, partez d'un principe tout simple. Si jamais un truc peut mal se passer, ça va mal se passer. Ne vous attachez à personne. Ah oui, c'est... Vraiment, ce film, je l'aime vraiment, vraiment énormément. Et pour le coup, j'avais envie de te demander ton avis sur un truc. C'est... Oui, c'est Greg McLean qui le réalise, mais... Et on voit la patte de McLean, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu penses que c'est pas aussi quasiment entièrement un film de James Gunn ? Si, mais sur le sur l'ambiance un peu festive. Genre sur le côté c'est grave, mais en même temps c'est drôle. Ouais, le côté quasiment sale gosse en fait. Oui, voilà. Ça fait très James Gunn. C'est ce qu'on a dans le dernier Suicide Squad. Ah, mais bah, c'est la comparaison. Les gens à tout va et tout, mais on s'en fout. Bah, là, c'est pareil. Genre, comme tu dis, tu te rentres une personne qui explose, mais genre, on s'en fout en fait. Personne va en parler. Tu fais, oh mon dieu, c'est grave. C'est... Non, on continue de s'entretuer. Au calme. Bah, sur ça, dans le dernier Suicide Squad, la scène où toute la Suicide Squad, voilà, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais infiltre un camp de résistants et les tue tous un par un. Bah, c'est la même chose. Bah, c'est l'esprit de cette scène-là, mais tiré sur 1h30 et en x10 sur le gore. Ce qui est très, qui est extrêmement très bien fait. Quand ils explosent la tête, c'est un extincteur, c'est ça, hein? Ouais, c'est avec un extincteur. Bah, celle-là, elle est coriace aussi. Hein. Bah ça et la hache, je veux dire la scène avec la hache. Ah, c'est non vraiment le film, c'est vraiment une pépite et c'est dommage qu'il soit pas disponible en France. Je comprends pas pourquoi il n'est pas disponible en France. On y croit un jour. Et une musique de précise de Tyler Bates, quand même un compositeur assez connu. Ouais, mais pour le coup la musique elle est relativement invisible. En tout cas moi elle m'a pas marqué. Ouais mais c'est pour montrer que le fiche technique est quand même plus... Ah, est quand même plus fourni que... Ouais, voilà. Ouais, je vois tout à fait. Encore quelque chose à rajouter ? Ou on passe à la suite ? À part voyez-le, rien de plus. Non, vraiment, belle co-expérience. Surtout, le film, il dure vraiment pas longtemps. Il dure 1h30, un peu moins. Mais ça passe en 20 minutes. C'est vraiment... Ah oui, c'est... Alors, moi qui aime le rythme, je suis servi. Et du coup, dernier film à ce jour pour Greg McLean, 2017... Jungle. Je désirais à tout prix échapper au chemin de vie balisé qui m'attendait. Un travail, un mariage, des enfants. Je voulais être différent, faire des expériences extraordinaires. C'est pour ça que je me suis retrouvé au cœur même de la jungle la plus profonde. Je te présente un bon pote, Yossi Ginsberg. Très heureux de te rencontrer. Très heureux, moi aussi. J'ai dit à mes parents que je partirais pendant un an, mais je crois que je ne rentrerai jamais chez moi. Rien n'est plus extraordinaire que la jungle la nuit. Les insectes, les oiseaux, tu as l'impression qu'ils te hurlent tous dessus. Et là, soudain, il n'y a plus que toi et ce que tu es venu chercher au milieu de la jungle. Quoi, tu veux être comme tous les autres touristes ? Tout le monde peut aller au Machu Picchu, mais aller dans la jungle, Carl, il peut nous y emmener. Qu'est-ce qui te fait dire que Carl est quelqu'un de sérieux ? C'est pour ça que t'es là, la tribu cachée. Un équilibre parfait. Le problème, c'est nous. On est un cancer. Carl, qu'est-ce que tu fous ? Carl est le seul à savoir où on est et comment nous sortir d'ici. Et il vient juste de s'en aller. Carl ! Stop ! Pagayer ! Faut juste suivre la rivière. Yossi, le rocher ! Donc, 2017, McLean revient sur des bases solides et nous refait encore une histoire vraie, mais une histoire vraie, vraiment vraie, cette fois. Parce qu'il se base sur l'histoire de Yossi Ginsberg, un homme ayant survécu 3 semaines dans la jungle amazonienne en 1981. Donc pour le scénario rapidement, le film démarre au début des années 80, alors que Yossi est en voyage en Bolivie et se met en tête de partir explorer la forêt amazonienne. Il va alors rencontrer Marcus, un professeur d'origine suisse, et Kevin, un randonneur américain. Et alors que les trois sont en escale à La Paz, avec mon accent, avant de s'aventurer dans la jungle, Yossi fait la rencontre de Carl, un Autrichien qui se propose pour leur servir de guide afin de les emmener à la rencontre d'une tribu indigène dont il leur parle, en déclarant qu'il connaît bien la jungle. Les trois amis acceptent, mais à la suite d'un accident, Yossi va devoir se retrouver seul à essayer de survivre en pleine jungle amazonienne. Melvin, qu'en as-tu pensé de ce film où Daniel Radcliffe fait du DiCaprio, finalement. C'est le The Revenant de Daniel Radcliffe. Harry Potter perdu dans la forêt de Poudlard. alors, première partie, c'est long et il ne se passe pas grand-chose. Deuxième partie, c'est incroyable. À ce point-là ? C'est pas non plus pour moi un chef-d'œuvre, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Et je vais revenir toujours sur les mêmes arguments. C'est réaliste. On y croit à ce qu'on voit. Même si ça fait très liste des dangers de la jungle, attention, ce qu'il faut faire, ne pas faire, mais je trouve que ça fonctionne très bien et encore une fois, grâce aux effets spéciaux, ça fait très très réaliste. Et pour une histoire vraie, ça fait vraiment vrai. Là-dessus, je suis un peu plus mitigé que toi, je pense. En fait, le film revient à un postulat de base, entre guillemets, beaucoup plus sûr pour McLean, à savoir le survival. C'est vraiment ça se voit que c'est la figure qu'il apprécie, c'est-à-dire même Belko, finalement, en quelque sorte, c'est un survival. Mais, alors déjà, j'ai trouvé que le film mettait pas mal de temps à démarrer. Et pour oui, le coup, ça, c'est très long. Autant Wolf Creek, je le défends tout à fait parce que je trouve qu'il y a quand même je m'attache énormément au personnage. Je trouve que là, le film démarre au bout de la 55e minute et c'est long. C'est très long le début. Il y a des scènes que je trouve superbes. Est-ce que tu te rappelles la scène avec le feu au tout début? Ouais. Avec Daniel Radcliffe et la fille là, je trouve ça. Ouais, ouais. Je l'ai trouvé sublime. Je trouve la photo magnifique. Ça sert à rien. Oui, mais c'est joli. Ok. Et après, j'ai fait la blague de The Revenant au début, et j'aurais voulu voir quelque chose, même si je ne suis pas ultra fan de The Revenant, j'aurais voulu voir un film très viscéral, très qui prend, tu vois. Mais je trouvais que le film manquait. La deuxième partie. C'est parce que la deuxième partie prend pour moi. C'est vraiment la première où ils sont tous ensemble. On a pu en faire une demi-heure, ça suffisait, quoi. En fait, la deuxième partie, je trouve qu'elle a des envolées, mais elle manque d'ampleur, en fait. C'est-à-dire que là où d'autres films du même type, comme je pense à 127 heures, Seul au monde, avec Tom Hanks, ou Le territoire des loups, ça me prend et ça me prend par les tripes, je trouve que le film décolle pas forcément trop. Il y a des instants de grâce, je pense à tous les instants sur le radeau, ou à l'instant avec le front, ou avec les fourmis. Oui, c'est marquant. C'est plein de scènes où je me dis « Ah, bien vu !» Mais voilà, autant je trouve la performance de Radcliffe dingue, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ah oui, surtout que de Radcliffe, à part les Harry Potter, Insaisissable 2 et Swiss Army Man, j'ai pas vu grand-chose, et ça se rapproche beaucoup d'un Swiss Army Man. Ouais. Ah bah oui, là pour le coup, il veut se donner le côté bimbam. Je sais pas si tu as pu voir Gun Akimbo qu'il avait fait. Ah oui, bah si, oui. Bah je trouve qu'il a ce côté. Rien à voir. Ah oui, mais il a ce côté punk, tu vois, où vraiment il veut casser son image d'Harry Potter. C'est ça. Donc si Jungle, je trouvais quand même ça meilleur que Gun Akimbo. Mais la réalisation, je l'ai trouvé vraiment superbe. C'est-à-dire, je sais pas si tu te rappelles, mais les scènes sur le radeau, ou avec la caméra qui plonge sous l'eau. Oui, oui, cette scène du radeau, je l'avais notée aussi, une des scènes les plus marquantes pour moi. Et le personnage. Il y a plein de trucs super. Le script est super intéressant, mais l'intro de 1 heure, pour moi, c'est vraiment trop long. Il aurait fallu couper 20 minutes, en fait. Voilà, bah je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment cette intro qui a fait la moitié du film. Mais... Et quelque chose qui m'a aussi un peu déçu, où je suis mitigé, c'est la fin que j'ai trouvé trop hollywoodienne. C'est-à-dire, t'as la musique grandiloquente, les violons dans tous les sens, et ça perd le côté authentique et très crade qu'on a pu voir, ne serait-ce que dans la partie survie, ou même qu'on avait dans les premiers films, et sur ça, les flashbacks. Ça sert à rien non plus. Ça gâche tout. Ils ont bien fait. Quand tu dis c'est joli, mais ça sert à rien. Et pourtant, j'ai l'air un peu critique, mais je trouve qu'il y a quand même des super trucs. Le film est quand même retourne à un côté assez crade. Le truc où il se coupe le front, là, c'est vraiment dégueu. Ouais, pour sentir, c'est quoi, un ver de terre, un truc comme ça. Je sais pas, une espèce d'insecte, mais c'est vraiment, vraiment crade. Ça me fait rire où il touche sa bosse, il fait oh ça bouge super. Les maquillages de ses pieds là, c'est vraiment vraiment sale. Il y a il y a des subtilités plutôt bien vues avec le scénario, tu vois, lorsqu'il voit la femme et qu'il veut vérifier si elle est réelle ou pas, tu vois. Oui. Ça, la performance de Radcliffe encore une fois qui est dingue. Et là, le côté Kagan McLean avec les décors encore une fois, donc voilà, il y a toute une jungle pour lui. Ah ouais, et là, ça fonctionne. C'est oppressant qui fonctionne à fond. Ah, là, encore, là, mieux que dans, encore mieux que dans Solitaire. Ah, là, ça fonctionne vraiment. C'est vraiment un pur survival. La photo est à nouveau superbe. C'est-à-dire que la scène avec le plan sur le ciel à la fin, oui. Ça, je l'ai trouvé magnifique. Il y a une scène où il est dans la jungle et il y a des espèces de fleurs qui volent autour de lui. Oui, ou le papillon au moment aussi. Ouais, le papillon, enfin, vraiment, la photo est très, très, très, très belle. Mais à nouveau, ce que je trouve ultra étonnant, c'est que dans des films qui sont, pour les premiers, censés être très, pas underground, mais très crade, sale, et pour les derniers, en tout cas pour Jungle, qui est censé être plus, quasiment un film à récompense, tu vois, plus vu oui, par le plus grand. C'est le plus accessible au final. Si on enlève The Darkness, c'est vraiment Jungle, c'est le plus accessible. Ouais, je pense que c'est plus c'est celui-là pour démarrer pour le coup. Oui, et voilà. C'est étonnant comme il arrive quand même à avoir des éclairs, que ce soit sur la photo, la réalisation, vraiment c'est toujours ça fonctionne. Et à nouveau, qui devient quasiment classique pour les films de McLean, j'ai trouvé que la fin, mais pas la fin avec le personnage de Yossi, la toute fin, si tu vois de quoi je parle, oui, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait à mort. Pour le coup, c'est vraiment dramatique et ça prend vraiment. Donc toi Jungle, rapidement, oui, le début est trop long, mais ça, pour toi, ça a pris. En fait, la partie où Radcliffe est tout seul, ça fonctionne très très bien. Mais vraiment, cette partie, le problème, c'est que voilà, sur ce film le plus long qu'il ait fait. Bah, il fait 2 heures. 15 minutes, ouais, quasi 2 heures. Mm-hmm. Et c'est trop long, quoi. Tout le début est long, la fin est longue, mais le entre-deux, je trouve que ça fonctionne très bien. J'aurais presque voulu voir que ça, en fait. Pour le coup, il aurait fallu, pour moi, il aurait fallu laisser la scène du feu au début, qui est vraiment superbe. En fait, c'est beau. Et pour expliquer, c'est une espèce de scène quasiment hallucinatoire. Un peu à la Mandy, tu vois, le film avec Nicolas Cage, où c'est des couleurs très, très criardes. Il y a du bleu, il y a du rouge, c'est vraiment superbe. En fait, c'est une scène de rêve qui dure que 5-6 minutes, mais qui est, que moi je trouvais vraiment superbe. Mais oui, il aurait fallu couper 20 à 30 minutes et quasiment mettre plus de scènes dans la jungle, mais oui, en enlevant les flashbacks. Voilà. Et mais les dangers qui étaient au moins, encore un serpent, il détruit le serpent, action. Étirer un peu ce genre de scène, quoi, tu vois. Ouais, en fait, au final, ça fait vraiment, quand il est tout seul, ça fait listing des dangers de la jungle, je trouve, genre, oh, un serpent, oh, des sables mouvants, oh, ouais. J'ai mal aux pieds. Tu vois, je suis complètement d'accord, parce que c'est vraiment, c'est pas trop, faut pas non plus, ce serait abusé de dire que c'est trop, mais ça. Ouais, c'est très bon. Mais ça n'a pas l'angoisse que pouvait susciter Wolf Creek 1 ou 2, par exemple. Wolf Creek 1 ou 2, qui pour le coup était, surtout le 1, qui était plus un survival, mais un survival très viscéral. C'est-à-dire que ça prenait, et pendant 1h30, 1h40, ça te lâchait jamais. Là, il y a trop de respiration, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Jungle, j'ai vérifié, je l'ai découvert pour le podcast. Et sincèrement, j'aurais voulu l'aimer. J'aurais voulu dire quel plaisir, c'est un survival comme on n'en fait plus, vraiment quelle claque. Mais malheureusement, c'est quasiment une semi-déception. Mais par contre, on est sur des effets spéciaux toujours bien faits, et même les animaux cette fois, parce que quand ils déboîtent un singe. Ah oui, ça, ah mon dieu, ah ouais, ça, il y a quand même un gros trigger animaux morts sur le film. Là, c'est assez. C'est, notamment les œufs. Les œufs lorsqu'il doit manger. Ouais, c'est trigger animal mort. Oui, parce qu'autant les kangourous de Wolf Creek 2, c'était hallucinant. Ah ouais, c'était réaliste. Quoi. Ouais, mais Wolf Creek 2, quand tu le regardes, la première question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais ouais, là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus angoissant et c'est beaucoup plus sale ambiance, surtout. Ça fait réaliste, comme je disais, c'est plausible. Ouais. Donc, du coup, on est arrivé à la fin de cette rétrospective sur McLean. Donc, au final, Melvin, que retires-tu? Qu'est-ce que t'as apporté de découvrir, du coup, en ce qui te concerne, de découvrir toute la filmographie de ce réalisateur? Alors, je pense que j'aurai une bonne connaissance de l'Australie maintenant. Parce que même dans Jungle qui se passe en Bolivie, on a de l'Australie. C'est tourné en Australie. Ouais. On a de l'Australie partout. et non, après, c'est vraiment une belle découverte. À quasi 1 sur 2, en fait. Et j'aime bien ce style ouais, qu'il a très. À la fois contemplatif, donc je ne suis pas fan du contemplatif de base, mais en même temps très. Un rythme particulier, quoi. Les films restent beaux, c'est-à-dire que voilà, la photographie est toujours irréprochable, c'est toujours, c'est pas fait à l'arrache quoi. Ouais, c'est ça, c'est tout travaillé. On sent qu'il y a vraiment une volonté dans ces films, genre sur les effets prosthétiques par exemple, sur l'ambiance, sur il fait à part The Darkness, il fait pas les films pour faire des films. Je sais pas trop comment expliquer, mais. Bah oui, on sent qu'il aime ce qu'il fait et voilà, que The Darkness, au final, je soupçonne que ce soit un projet de commande parce que si tu regardes bien. La même année que The Darkness, il fait Belko, qui est un de ses meilleurs, et qui a à nouveau une structure très survival, parce que c'est des gens qui survivent dans un contexte hostile. Et juste après, il fait Jungle. Donc The Darkness, moi je pense que c'était un projet de commande, fallait manger, fallait faire quelque chose. Mais je pense pas qu'il ait fait... Ça sonne très comme ça, oui. Plus Blue Mouse en plus. Oui, voilà, c'est aussi pour ça qu'on va dire que je me fais pas trop de... que je me pose pas trop de questions. Mais du coup, c'est vrai que moi, personnellement, ce que j'en retire, c'est des films vraiment marquants. C'est-à-dire que Wolf Creek 1, Wolf Creek 2, Belko, Solitaire, et même la série Wolf Creek, tout ça, je m'en rappelle. C'est des films que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, personnellement, avec des photos, mais qui sont vraiment... c'est toujours, toujours superbe. C'est toujours très, très bien fait, un grand soin apporté aux images. Et surtout, une façon de montrer la violence... sauf dans The Darkness, qui est toujours extrêmement sale et extrêmement... la violence sert à quelque chose, c'est-à-dire que c'est jamais gratuit. Et oui, c'est jamais gratuit, effectivement. C'est... Même dans Wolf Creek 2, où tu pourrais parfois t'en passer, ça reste... Ou Belko, cohérent. Surtout. Oui. Non, mais c'est toujours cohérent et surtout toujours... ça sert toujours à quelque chose. C'est jamais là, juste comme ça. Genre, c'est toujours soit angoissant, soit pour, soit fun, mais c'est jamais juste là pour du gore gratuit. Donc vraiment, moi j'ai trouvé ça, vraiment, vraiment très très bien. Et du coup, est-ce que t'as regardé un petit peu qu'est-ce qu'il a prévu de faire prochainement, du coup ? À part la production de Wolf Creek 3, pour le moment, pas trop de nouvelles. Je sais que moi, j'avais vu qu'il avait participé à d'autres séries. Il avait fait notamment la série The Gloaming, où j'ai vu un ou deux épisodes. Il en a réalisé quatre, et c'est plutôt pas mal, mais ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué. Et la série La Brea, où là, pour le coup, il a réalisé l'épisode 5. Tous les épisodes ne sont pas encore sortis, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment, vraiment pas bien, pour le coup. Et aussi autre chose que j'ai oublié de préciser au début, il a fait deux courts-métrages avant Wolf Creek, donc Plead et ICQ exactement, mais qui pour le coup sont introuvables. En tout cas, moi je les ai pas trouvés, on a bien cherché, mais pas trouvé ça. Et du coup maintenant, si jamais je te demande, genre du coup trois petites questions pour finir en beauté, si je te demande trois scènes, toute la filmographie confondue, trois scènes que tu retiens, qui t'ont marqué ou que tu gardes en tête en tout cas. Je dirais pas ça prendre trois scènes de Wolf Creek 2, mais bon. Non, non. Trois scènes, mais en essayant quand même de diversifier les films. Mais forcément, il y a une scène de Wolf Creek 2 parce que c'est le plus. C'est le moins sérieux, on va dire. Et entre le kangourou, le quiz ou la maison avec les vieux, j'en prends forcément une de là-dedans. Bah, à toi de voir laquelle tu veux prendre. Il faut en choisir. Ouais, je prends la maison avec les personnes âgées. Ah, la fameuse petite respiration. Voilà, je te laisse les kangourous. Ok. Dans The Darkness. Non, je rigole, c'était. Non, pas The Darkness. Je prends The Belko Experiment, c'est la fin, que je trouve vraiment bien. Le combat final avec le single non, Jingle Publicitaire. La toute fin. Ah, ok, je vois. La toute fin, parce que on s'y attend pas. Ça m'a surpris. Autant tout le reste, on sait ce qu'on va voir. On sait que ça va trucider plein de gens. Autant ça, on s'y attend pas forcément. Et ça fonctionne. Je vois. Et en numéro 3 ? Et pour finir, je prendrai la scène du câble dans Solitaire. De la corde. Pour ça, bien vu. La tension de la scène est quand même incroyable. Et alors moi, si je devais en choisir trois, je prends la scène des kangourous de Wolf Creek 2. Ah, c'était sûr. C'est complètement lunaire cette scène. Tu te dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe Ça arrive de nulle part en plus. Ah, c'est ça, vraiment, c'est waouh. Dans The Belko Experiment, je prends la scène où Sean Gunn vide l'eau de tout le bâtiment. Vraiment, en criant comme un fou. Oui, bah avec sa dégaine de hippie, il est genre ah, videz-le. C'est vraiment très drôle. Et pour le coup, une scène que tu n'as pas vue, je m'en excuse, mais dans la série Wolf Creek, l'épisode 4 de la saison 1, que j'ai trouvé très joli, vraiment très posé, une très belle ambiance. Vraiment, l'épisode 4, très très bon épisode. Et Du coup, deuxième petite question. Là, peut-être un peu plus dure, mais je serais quand même curieux d'avoir ta réponse. Qu'est-ce que, ou quel genre de film, ou alors à quelle saga, est-ce que tu aimerais voir Greg McLean participer ? Alors, laisse-moi 2 secondes quand même de réflexion. Moi, j'ai une idée très précise. Est-ce que je le vois pas dans... Il faut un truc sérieux et en même temps pas hyper sérieux. Mais et quelque chose avec un environnement, en fait. Genre, je vais pas le coller à un destination finale parce que il n'y a aucun environnement. Tu veux que je réponde avant toi pour te laisser un temps de réflexion ? Allez, vas-y. Moi, j'avoue que... Alors, c'est aussi un genre de film que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir un peu plus représenté. Mais j'aimerais beaucoup voir réaliser un film de loup-garou. Parce que, avec un environnement de nuit, peut-être dans la campagne ou des trucs comme ça. Mais je sais pas si t'as vu Dog Soldiers de Neil Marshall, le premier film de Marshall. Non. Mais bah, en fait, tu suis une unité de soldats qui affrontent des loups-garous. Et là, pour le coup, t'as à nouveau un côté gore-fest très, très, très amusant. Et je pense qu'un film de loups-garous, pas forcément dans le style de Dog Soldiers, peut-être un peu plus sérieux quand même. Mais j'aimerais beaucoup le voir réaliser ça. Je pense que... Il pourrait à nouveau faire des compositions ou des plans sublimes avec le côté nocturne en campagne, etc. Et s'il a une écriture aussi bonne que dans Solitaire, je pense surtout à Solitaire ou à Wolf Creek 2, qui est plutôt, je sais pas si c'est Wolf Creek 1 ou 2, mais ou la série. Plutôt que Solitaire ou la série Wolf Creek, une écriture aussi bonne que ça, il pourrait faire vraiment un côté jeu d'enquête où en même temps tu t'en apprends un peu plus sur chaque personnage. Non, j'aimerais beaucoup le voir faire un film de loup-garou ouvertement fantastique. Après, est-ce que le fantastique de ce style-là, est-ce qu'il attire ? Je sais pas trop. Mais moi, ces films sont, à part The Darkness, jamais fantastiques. Ouais, c'est sûr. Mais toujours réaliste. C'est pour ça, soit un film de loup-garou, ou alors, si jamais ce serait une saga, ce serait The Descent. The Descent, c'est aussi un pur survival pour le coup. Mais The Descent 3, il y a longtemps eu des rumeurs dessus et j'aimerais beaucoup le voir lui derrière. Après, ça ne se fera sûrement jamais, mais bon, voilà, c'est une idée. Et du coup, toi, où est-ce que tu aimerais le voir ? Dans la petite réflexion de 2 minutes, un saut. Un saut par Greg McLean ? Oui, alors pour. Parce que malgré les tentatives infructueuses pour relancer la saga, ça ne marche pas. Je le verrais bien revenir à vraiment l'origine. Il a vraiment des ambiances un peu poisseuses, Greg McLean, dans ses environnements. Et je le vois bien faire quelque chose, avec son côté en plus effets spéciaux très prosthétique, quelque chose de très sombre et quelque chose qui marche, avec une histoire qui marche. Genre un groupe de personnages avec plein de pièges et tout. Tu vois, mais avec des personnages auxquels on s'attache. Des personnages où on sait ce qu'il fait. Et pareil, comme tu dis, il y a une espèce de jeu d'enquête. Je trouve que ça peut très bien marcher. Ah oui, pourquoi bien vu. Pas en extérieur, ça n'a jamais été fait en extérieur, sauf tu l'es dans l'environnement extérieur, dans une jungle ou j'en sais rien, et ça peut très bien marcher, tu vois. Et ça pourrait renouveler la saga. Le côté jeu mortel en extérieur. Voilà. Squid Game version crado. Parce que dans The Belko, ça fonctionne très bien, ce côté intérieur oppressant avec des gens qui vont mourir comme ça, qui vont se faire piéger par d'autres, et ça, je trouve que ça pourrait très bien marcher qu'un saut. Il pourrait sortir de ce côté toujours un peu la même chose, avec une vraie histoire, quoi. Et puis Wolf Creek 1 avait longtemps été toujours affilié à cette vague, tu sais, cette vague de torture porn qui arrivait dans les années 2000. Donc c'est vrai que ça pourrait être plutôt intéressant. Et du coup, troisième question, peut-être la plus simple pour toi, si tu dois classer tous les films de Greg McLean, alors si je rappelle rapidement, Wolf Creek 1, Solitaire, Wolf Creek 2, The Belko Experiment, Jungle, The Darkness et donc la série Wolf Creek, même si celle-là tu peux la laisser de côté vu que tu ne l'as pas vue. Si tu veux les classer. Commence par en bas ou par en haut ? Commence par en haut. Bah, Belko. The Belko Experiment, ouais. Quelle surprise ! C'était sûr, mais de loin. C'est vraiment le coup de cœur, quoi. Ok, juste après. Après, je mets Wolf Creek 2. Ouais. Parce que, kangourou, rappelons-le. Toujours. Ensuite, je mets Solitaire. Ouais, le crocodile. Jungle. Mm-hmm. Attention à ce que là, Corentin stresse. Est-ce que je mets Wolfric devant ou derrière The Darkness ? Non, s'il te plaît, sois réaliste quand même. Non, je mets quand même Wolfric et après The Darkness. Tu mets Wolfric sous Jungle ? Oui, je préfère quand même Wolf Creek, je me suis vraiment ennuyé. Zone Jungle, la première partie est super longue, mais je sais pas, ça allait vers un but, quoi. Dans Wolf Creek, c'est vraiment des... Juste pour... Il n'y a pas d'histoire dans la première partie, juste tu suis des gars. Non, c'est un voyage touristique. Ouais, mais tu sais pas où ça va. Parce que le méchant, il arrive à un moment. Mais ils vont pas vers ce méchant, ils vont pas vers un but, tu vois. Tu sais pas ce qui arrive. Alors, non, ce qui arrive. Non, je vois tout à fait, C'est de ce côté-là. Et toi, ton classement? Alors, sur ça, en numéro 1, c'est Wolf Creek 2. Parce que vraiment, j'adore Wolf Creek 2. Et oui, parce que les kangourous. Oui, parce que les kangourous. Mais je trouve que c'est la synthèse de tout ce qu'on a pu résumer. C'est-à-dire qu'il y a la violence qui peut être très sale, comme à la fin dans le repère, ou très gore-fest, plutôt amusante au tout début. Il y a le méchant donc, qui est complètement taré. Il y a la photo qui est magnifique. Il y a le rythme. Juste après Wolf Creek 2, je mets The Belko Experiment. Parce que je trouve que c'est pas forcément son plus abouti sur la technique ou quoi, mais comme toi, ça a été un énorme coup de cœur. Et surtout, c'est tellement improbable, tellement... Enfin, c'est vraiment c'est gros coup de cœur pour The Belko Experiment. Et pourtant, c'est un côté déjà vu, parce que ce système de « on prend plein de gens », Hunger Games, hein, ça, c'est le même système. Et pourtant, ça a un côté unique. Ouais, mais ça fonctionne. Bah, je pense que c'est vraiment la patte James Gunn, pour le coup, qui joue. Oui, voilà. Après, en troisième, je mets... Tiens, Hunger Games, ça pourrait être intéressant. Hunger Games fait par McLean. Oui, mais j'y ai pensé, mais parce que ce côté fourré qu'il y a, ça peut très bien marcher, oui. Les trous après, à deux. Ouais, en troisième, je mettrais... Alors, ça a été très dur de départager, mais je mets Wolf Creek 1. Parce que vraiment, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué quand je l'avais découvert. Mais après, je pense que, ne sachant pas du tout à quoi m'attendre, j'ai beaucoup plus pris le côté virage à 90 degrés que le film peut faire. Là où toi, si tu t'y attendais, je pense que comme... Ce qui se passait. Ouais, si tu attends ça, forcément, t'es un peu déçu. Voilà. Juste derrière Wolf Creek 1, mais vraiment juste derrière, je mets la série Wolf Creek. Parce que vraiment, ça a été une très grosse surprise. Mais plus la saison 1, pour le coup... je modifie au dernier moment, mais pas la série Wolf Creek, je mets Solitaire. Parce que la série Wolf Creek, la saison 2 étant un peu en deçà, Solitaire mérite plus. Donc Solitaire, comme je dis, c'est mon film de crocodile préféré. C'est vraiment un gros plaisir. Donc après la série Wolf Creek, dont j'ai déjà parlé, Jungle derrière. Parce que c'est avec le meilleur. Ah mais et tout en bas, mais tout en bas. C'est-à-dire vraiment il y a de la place. Il y a de la place pour en mettre d'autres entre temps. Je croyais que tu faisais du bas vers le haut, moi. Ah non. The Darkness en haut, je l'attendais, quoi. Ah non, mais je te promets, c'est-à-dire que là, il peut encore faire 10 films, il y aura de la place. Mais tout en bas, je mets The Darkness. Parce que vraiment, The Darkness, ça... Il y a peut-être un Nightmare Island 2, tu vas pleurer. Hein. Ouais, non, mais je pense que Nightmare Island 2, fait par McLean, m'intéressera plus que The Darkness. Non, mais je te dis, Wolf Creek 3, alors c'est pas lui qui le réalise, j'ai vu, c'est une dame, une femme, j'ai pas vu qui. Une dame. Mais, non, une dame, ah, pardon. Une mais. Non, mais c'est vrai que du coup, je serais curieux de voir ce qu'il nous proposera à l'avenir, mais du coup, The Darkness tout en bas. Et du coup, on a le même classement au final, à part Wolf Creek qui se balade. Ouais, je pense qu'on a interverti Wolf Creek et Jungle, ouais. C'est on a grosso modo le même. Ouais. Du coup, on approche de la fin de ce podcast. Bah du coup, déjà, merci à toi d'avoir été avec moi pour revoir toute la filmographie. T'as été très sport de tout voir ou revoir, y compris The Darkness. Ah, parce que c'est sûr, c'est l'épreuve. Mais il faut savoir, nos spectateurs, qu'on va s'infliger sûrement à chaque fois un film mauvais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bien. Bah, oui. Déjà dans le prochain épisode. Oui. J'ai déjà la vision sur le prochain épisode et je pense que oui, il y en a qui va être un peu freestyle. Voilà, on a notre petit film à chaque fois. Bah, du coup, déjà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés durant quasiment une heure et demie à parler de ce cinéaste que moi j'aime beaucoup et que du coup tu as pu découvrir ma vie et du coup que j'espère que tu apprécies autant que moi. Oui, je suis content de l'avoir découvert, oui. Et du coup, on vous invite à nous suivre sur les réseaux, donc Instagram notamment, ou de Spotify, Deezer, Apple Podcast, à mettre une note ou un gentil commentaire si ça vous a plu, ou un mauvais, pas de souci, hein, on prend en compte. On prend les avis négatifs pour s'améliorer. Exactement, on fait mieux à chaque épisode. Melvin, est-ce que tu veux déjà révéler quel sera le sujet de notre prochain épisode ? Eh bien, on peut. Quelque chose de beaucoup plus léger. Parce que quand même, il faut changer un peu du genre. On s'attaquera au Men in Black. Quatre films. Mais plusieurs, ce sera un diptyque. Parce que ce sera Men in Black et... Et dans l'épisode suivant, le réalisateur des Men in Black, Barry Sonnenfeld, donc le reste de son œuvre. On vous propose du coup un diptyque sur Barry Sonnenfeld avec du coup, comme Melvin l'a dit, la saga Men in Black. Oui, avec Men in Black International. Et tu as oublié la série d'animation Men in Black. Ah, mais... Oh là là. T'en fais pas, elle pour le coup, elle se regarde bien. Elle pour le coup, okay. C'est mieux qu'International. Ah, en même temps, c'est la pire, The Darkness. Oui, voilà. Après The Darkness, on peut tout voir. Mais alors, ensuite... la grande question, parce que nos auditeurs nous suivent quand même, le premier épisode, Destination Finale 4 ou The Darkness ? Oh la vache, ah, t'es dur. Moi, je prends The Darkness. Franchement, je prends The Darkness moins, parce qu'il y a Kevin Bacon. Il y a Kevin Bacon. C'est pas trop moche. Et surtout, c'est un peu plus long que Destination Finale 4, mais au moins, je rigole. J'ai pas envie de fermer l'ordinateur. Et donc ça. Et du coup, merci beaucoup d'avoir écouté avec nous. On se retrouve dans, a priori, 2 semaines, du coup, pour un épisode sur Men in Black. Du coup, merci encore à toi, Melvin. Et du coup, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Exactement. Au revoir à tous. Siempre.